Réunion première, il est 10h, France Info. Lundi 22 août, 8h sur France Info, bon réveil, c'est le journal de Noémie Bonin. Bonjour Noémie. Bonjour à tous. Deux nouvelles médailles à fêter dans le camp français hier soir pour le dernier jour des Jeux Olympiques de Rio. L'or en boxe, l'argent pour le handball, le Brésil boucle ses JO. On revient ensemble la cérémonie de clôture dans un instant. Les producteurs de lait repassent à l'offensive. Ils ont prévu de manifester aujourd'hui pour obtenir un prix d'achat plus élevé. À suivre également, les ministres retrouvent leur bureau et leur dossier ce matin après quelques jours de repos. Les vacances, justement, elles continuent pour les plus chanceux. Partir à la fin de l'été, c'est parfois le bon plan. France Info. Noémie Bonin. Feu d'artifice et samba au programme de la cérémonie de clôture hier soir à Rio. Les JO, c'est fini et sous la pluie. Mais les spectateurs en ont quand même bien profité à Maya Cazenave. Une cérémonie arrosée mais festive, même si le mythique stade de Maracana n'avait pas fait le plein. Qu'importe pour les supporters français présents, c'est la fin d'une expérience extraordinaire. Eric a économisé pendant 8 ans pour faire ce voyage au Brésil pendant les Jeux. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a vu la médaille de Teddy Riner, la médaille de l'équipe d'épée, le grand drame de la Villeni qui a quand même gagné une médaille d'argent. Et puis le grand drame de la remise de médaille de la Villeni, mais qui est venu derrière pour soutenir Kevin Mayer. Donc il s'est mis dans le public a chanté pour lui. Voilà, et puis les Brésiliens, bon ben la fête, et puis c'était super. Sur la piste d'athlétisme transformée en piste de danse, les athlètes français derrière Teddy Riner, porte-drapeau aussi de cette cérémonie de clôture et dont le parcours a ému François. Teddy Riner, porte-drapeau, il a levé lourd à porter ce jour-là. Et donc, il a fait ce qu'il fallait pour être médaillé olympique une deuxième fois. Et donc, on est vraiment très heureux que le porte-drapeau français, surtout Teddy, puisse avoir cette médaille d'or amplement méritée. Je crois que c'est celle-là qui fait peut-être le plus plaisir, même si toutes les autres sont des belles médailles. Les amateurs de sport, de fêtes et d'olympisme ont maintenant rendez-vous dans 4 ans à Tokyo. À Rio, Amaya Cazenave, France Info. Et cette dernière journée à Rio s'est terminée avec deux nouvelles médailles françaises. Donc, de l'or en boxe, une nouvelle fois, grâce à Tony Yoka chez les super lourds. De l'argent seulement pour les handballeurs. Ils perdent leur titre olympique après la défaite 28-26 face au Danemark. La France termine à la 7e place au classement des médailles, dominée comme d'habitude par par les États-Unis. Nous battons quand même notre record avec 42 médailles. C'est une de plus qu'à Pékin en 2008. France Info 8h03. Comment boucler les fins de mois? L'équation est parfois impossible pour les producteurs de lait. Ils ont prévu de manifester du coup aujourd'hui et pas n'importe où. Au siège de Lactalis à Laval en Mayenne. C'est le géant mondial des produits laitiers mais qui paye les agriculteurs à un prix particulièrement bas. Les éleveurs vont donc s'y retrouver à l'appel de la FNSEA. Jérôme Jadot. À en croire le syndicat agricole, c'est l'histoire du pot de terre paysan contre le pot de fer industriel autour d'un pot à lait. Pot de fer désigné Lactalis, numéro 1 mondial du secteur, 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires et premier collecteur en France, accusé de pratiquer un prix d'achat 10 à 30 euros plus bas que les autres transformateurs hexagonaux, soit 257 euros les 1000 litres depuis le mois dernier. Accusé donc de peser à la baisse sur des cours jugés déjà non rentables par les éleveurs, ceux-ci estiment qu'en dessous de 340 euros les 1000 litres, ils perdent de l'argent, ce qui est le cas depuis un an et demi. Lactalis, de son côté, se défend en invoquant des prix encore plus bas dans d'autres pays européens comme l'Allemagne ou l'Irlande. Le propriétaire des marques Président ou encore La Laitière taxe la FNSEA d'irresponsabilité en refusant la réalité du marché. À l'ouverture de négociations réclamées par le syndicat, le groupe répond « d'accord ». Mais pas sous la pression de manifestations. Les précisions de Jérôme Jadot pour France Info. Un nouveau candidat à l'élection présidentielle en France s'est fait connaître hier, c'est Arnaud Montebourg. L'ancien ministre socialiste de François Hollande a détaillé son projet dans son fief électoral de Frangy-en-Bresse en Saône-et-Loire. Face à ses dernières candidatures à gauche, François Hollande veut lui rassembler son équipe. Conseil des ministres de rentrée ce matin après quelques jours de repos pour le gouvernement. L'occasion pour le chef de l'État de fixer les priorités des derniers mois de mandat, Yael Gauss. À gauche, à droite, c'est la saison des candidatures. Alors le président s'est fixé une règle, se tenir loin du marigot politicien, comme dit l'un de ses proches. Encore 8 mois de travail utile, une loi de finances, la dernière à l'automne, et des priorités, terrorisme, Europe, emploi. Voilà ce que François Hollande va rappeler tout à l'heure à ses troupes. Le gouvernement reçu au grand complet avec ses 38 ministres et secrétaires d'État. Puis direction la petite île italienne de Vento Tene, au large de Naples, pour une réunion à trois avec Angela Merkel et Matteo Renzi. Objectif, construire la réponse politique au Brexit. La rentrée politique et la rentrée en librairie. Le président est partout. Pas moins de 5 livres consacrés à François Hollande sont sortis ou vont sortir. Pas de off, il se confie, transparence assumée. Nous avons changé d'air démocratique, dit un proche. François Hollande invente le concept d'inventaire permanent, un moyen aussi d'expurger les épisodes douloureux dans la perspective d'une candidature en 2017. François Hollande va donc s'envoler pour l'Italie cet après-midi pour ce mini-sommet européen et retrouver ses homologues italiens et allemands. Ils vont évoquer ensemble l'avenir de l'Union européenne après le vote sur le Brexit en juin dernier. Les mausolées de Tombouctou au Mali, détruits par les djihadistes, c'était en 2012. 4 ans après, un islamiste malien est jugé à partir d'aujourd'hui devant la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas. Un procès pour la destruction de biens culturels, c'est une première. Après l'attentat de ce week-end en Turquie, le président Erdogan évoque un très jeune kamikaze qui a entre 12 et 14 ans et lié à Daesh. L'explosion à l'occasion d'une cérémonie de mariage a fait au moins 51 morts à Gaziantep. Une visite chez le médecin coûtera dorénavant plus cher. Oui, 25 euros au lieu de 23 aujourd'hui à partir de mai 2017. L'accord avec l'assurance maladie va pouvoir être signé. Hier, un troisième syndicat de médecins a validé la proposition. C'était nécessaire pour que la convention passe après 5 mois de négociations. Prudence si vous êtes sur la route près de Cahors sur l'Avin. Un camion s'est renversé. L'axe est coupé depuis ce matin dans le sens Paris-Toulouse. Sur les rails, la soirée a été longue, très très longue pour les passagers du train qui reliait Toulouse à Paris. Les voyageurs sont finalement arrivés en pleine nuit avec 4 heures de retard. C'est à cause d'un accident sur les voies. France Info 8h07 pour certains. Hier, c'était déjà le retour des vacances. La rentrée scolaire approche, mais certains préfèrent au contraire profiter justement de ces derniers jours du mois d'août. Moins cher, moins de monde, c'est parfois la bonne opération. Jules Brelaz, vous l'avez remarqué à Lacanau en Gironde. Les pieds dans l'eau, Linou profite de ses derniers jours de vacances sur la plage de Lacanau. Pour cette fillette originaire de Cubjac, tout va pour le mieux. Tip top. Là, on se baigne, on s'amuse. J'aime beaucoup. Et j'ai même eu un crabe dans mes mains. À deux pâtés de sable de là, Rachel, elle, est plus mélancolique sur sa serviette. C'est déjà la fin des vacances pour cette Parisienne. Oh, c'est dur, c'est le dernier jour même. Il va falloir retourner au travail. Et pendant que Rachel rentre à Paris, certains fredonnent de bonheur. Bam, balabam, balabam, balabam, balabala. Les vacances commencent tout juste pour Alexandre qui arrive de Lyon. Ça va être plat, ça va être vélo, ça va être apéro. On commence toujours par l'apéro. Nicolas, un autre Lyonnais, part lui aussi toujours en vacances à la fin de l'été. La dernière semaine d'août est un peu plus calme. Déjà, au niveau économique, parce que la dernière est un peu moins chère et puis il y a un peu moins de monde, donc c'est plus pratique, quoi. C'est plus sympa. Moins de monde sur la plage, ça fait plus de beignets pour ceux qui restent. Il fait beau, il fait chaud, on est à la cano, venez manger un beignet tout choco. Comment ça va ? Bertrand, lui, s'en va à Paris, chez lui, mais il n'est pas triste de quitter la cano. Ah bah il fait un temps magnifique, la plage est magnifique, terminée par la mer ici, c'est somptueux, les gens sont super sympas. Bon bah on va remonter tranquillement, hein. Quand vient la fin de l'été, oui. Sur la plage, il faut alors se quitter. Mais tout va bien se passer évidemment puisque vous êtes sur France Info, c'était le reportage de Jules Brelaz de France Bleu Gironde. Les vacances, elles sont déjà longues pour les footballeurs. Victoire du PSG 3-0 face au promu Metz hier soir. Premier succès au Parc des Princes cette saison. Merci Noémie Bonin, vous écoutez France Info, vous avez bien raison. Vous écoutez Réunion Première, bonjour à tous, il est 10h09. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. La matinée continue d'être agréable et ce, même si l'atmosphère reste sèche. Dans l'après-midi, en revanche, il y aura du changement. Les nuages seront sur les montagnes et s'étalant vers l'ouest et le sud. Les éclaircies, il y en aura au volcan, au Maïdo et dans les cirques. Et qu'en est-il du cirque de Salazy ? Paul est avec nous en direct sur la première. Bonjour Paul. Bonjour Claude, bonjour à tous. Quel temps vous avez ce matin ? Eh bien Claude, je viens de partir d'Elbourg pour monter à la plaine des Palmistes. J'ai donc toute la côte est sous les yeux, c'est tout bleu, à part juste quelques petits nuages blancs pour souligner le bleu. Et la température affichée dans la voiture ? La température dans la voiture, 26 degrés à la sortie de la Benoît. Oh là là, d'accord, bon, ça va, c'est bien. Passez une bonne journée Paul. Vous aussi, au revoir. À bientôt sur la première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Hier, dans la troisième, pour le prix d'Arlet, grand handicap de la Manche, il fallait trouver le 16, le 14, le 12, le 15 et le 7. 16, 14, 12, 15 et le 7. Aujourd'hui, sur l'hippodrome de Clairefontaine, dans la première course pour le prix de la Côte Fleurie, 4 millions d'euros, c'est le montant de la tirelire. Voici les pronostics de Pascal Maillot. Alors, il vous propose le 9, le 13, le 2, le 7, le 10, 3, 6, 12, 9, 13, 2, 7, 10, 3, 6 et le 12. Nous sommes très contents de vous retrouver pour une nouvelle semaine en compagnie de nos experts. Avec nous ce matin, Cyril Vélan, géomètre expert, Sylvie Cadet, juriste conseil à l'Agence départementale d'information sur le logement et Jean-Paul Constancin du Conseil d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Je vous invite dès maintenant à composer le 02 62 99 2000 pour toutes les questions, également possible par SMS au 06 92 70 2000. Vous souhaitez en savoir plus sur le bornage de votre terrain, vous êtes en conflit en ce moment avec le voisin apporte justement un problème de lecture de bornage. Que dit la législation ? Vos droits, vos devoirs et comment les faire valoir ? Les experts vous écoutent aussi sur tout ce qui touche à votre logement, à votre maison, l'écoulement des eaux pluviales, la mitoyenneté, la servitude de passage, les nuisances sonores. 02 62 99 2000, c'est la première. Chanson, ça t'y chante à l'île dans le chemin. Moi, Buzz chez moi, c'est signé Seguel sur la première. Les experts de la première, Cyril Vélan, géomètre expert, bonjour. Bonjour Claude. Merci d'être avec nous ce matin. Nous accueillons également Jean-Paul Constancin, architecte conseil au conseil de l'urbanisme de l'environnement. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien ce matin? Oui, on peut même rajouter l'architecture également. Oui, c'est ça. Il manque à l'appel Sylvie Cadet, juriste conseil à l'agence départementale d'information sur le logement, mais elle arrive, hein, donc elle doit être coincée dans les embouteillages. On peut rappeler, s'il vous plaît, ce qu'est vraiment le géomètre expert, Cyril Vélan? Oui, bien sûr. Le géomètre expert est une personne qui a prêté serment devant ses pairs. Quelqu'un de très sérieux. Hein. Quelqu'un de très sérieux, oui, normalement, oui, quelqu'un de très sérieux. Qui, selon la loi de 46, a reçu une délégation de service public pour s'occuper de tous les travaux fonciers. Et ça, c'est vraiment le cœur du métier. Donc, travaux fonciers, bornage, division parcellaire, partage... familiaux, partages successoraux. On peut inclure, bien entendu, aussi les mises en copropriété, les divisions en volume. Oui, d'accord. Tout ça, ça fait partie des opérations foncières que seul, donc, un géomètre expert peut traiter. D'accord ? Parce qu'il est inscrit à l'ordre et qu'il a prêté serment auprès de cette profession. Alors, on entend parfois parler de bornage judiciaire. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le bornage judiciaire, une procédure qui intervient quand la procédure amiable a échoué, ce qui peut être le cas, malheureusement. Un propriétaire demande le bornage de son terrain et pour plusieurs raisons, on peut avoir en face de soi un riverain qui est inconnu, une succession non réglée, oui, ou alors simplement un conflit de voisinage concernant une limite qui fait qu'aucun accord amiable ne pourra être trouvé lors de cette opération mise en place par le géomètre expert. Et dans ce cas-là, le géomètre ne peut que constater la carence en matière d'accord sur cette limite, et donc conseiller au riverain, à la partie la plus diligente, selon la formule consacrée, s'il le souhaite, d'aller au tribunal d'instance pour demander le bornage judiciaire de cette limite. Alors, évidemment, les experts sont présents dans ce studio pour répondre à toutes les questions. Si vous êtes en conflit en ce moment avec le voisin pour justement un problème de lecture de bornage, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui s'est passé, avec le tracé du terrain, on est là pour en parler puisque notre géomètre expert répond à toutes les questions. Que dit la législation, vos droits aussi, vos devoirs et comment les faire valoir? 02 62 99 2000. Sylvie Cadet, bonjour. Vous allez bien? Ça va. Oui, juriste conseil à l'agence départementale d'information sur le logement. Et bien alors, Jean-Paul Constancin, l'architecte conseil. Allez, dites-nous un instant un peu votre rôle, s'il vous plaît. Mon rôle est de... Alors, il faut faire un petit retour en arrière. En 1977, quand on a dit que les architectes étaient indispensables pour déposer une demande de permis, on avait dit également que par dérogation à cette règle, un particulier qui construisait pour lui-même moins de 170 mètres carrés à l'époque pouvait se dispenser d'un architecte. Toutefois, on avait institué le corps des architectes conseillers du CAUE, qui n'est pas un corps administratif, c'est tout ce qui est de plus libre. Enfin, on n'est pas fonctionnaire. Et on était fait pour avoir une sorte de droit de regard sur ces permis qui étaient déposés sans architecte. Ça, les architectes conseillers du CAUE ont systématiquement refusé de faire cette partie de leur mission parce que c'était un petit peu, comment dire, forcer et violer un peu les gens. Donc, on a gardé les architectes conseillers du CAUE, mais à titre tout à fait facultatif. Voilà. Et on intervient dans toutes les communes et c'est gratuit. C'est gratuit, mais on est rémunéré par des taxes, des choses comme ça. Vous savez comment on fait en France. Et donc c'est très très bien expliqué. Quelle chance, voilà. J'adore. Et donc on est gratuit et je serais tenté de dire aux gens... Les consultations sont gratuites. Hein. Voilà. Ouais, et on ne fait... Mais par contre, la contrepartie, c'est qu'on ne fait pas les plans puisqu'il y a des gens qui, eux, se font payer pour ça. Et si on faisait les plans gratuitement, il y aurait 500 personnes à chaque permanence. Vous jetez un œil sur le plan que l'on vient vous déposer. Enfin, voilà. Oui, vous donnez un avis. Voilà. Ouais. Et même avant, des fois, les gens, ils repartent des services d'urbanisme, des communes avec le plan, enfin le règlement qui va avec leur terrain. Et alors là, ils découvrent des mots, des choses qui pour elles, c'est du chinois ou du martien, parce qu'il y a des gens qui disent très bien le chinois là. Mais donc, c'est vraiment à... Ça ne veut rien dire pour eux. Donc, on prend la peine de leur expliquer, voilà, les reculs c'est ça, les hauteurs c'est ça, ça vous pouvez le faire, ça vous ne pouvez pas le faire, attention à ci, attention à ça. Voilà, ah, c'est ça notre rôle. On va aller très vite parce qu'il y a du monde au standard. Oui, juriste conseil à la DIL, à l'Agence départementale d'information sur le logement. Votre rôle, oui, Sylvie Cadet. Alors oui, ben c'est essentiellement effectivement un rôle de juriste, mais nous renseignons aussi bien sur les droits en matière de logement que sur les financements. Alors c'est vrai que au préalable, dans la mission de juriste, il n'est pas prévu en fait spécialement qu'on s'occupe des financements, mais c'est une mission qui est une mission complète puisque elle nous permettra de recevoir la personne qui a l'intention d'accéder à la propriété et qui ne saura pas comment faire sur le plan financier. Donc on va leur donner des informations sur les prêts et les aides auxquels ces personnes ont droit, quand elles ont droit bien sûr aux prêts, puisqu'il y a tout de même des plafonds de ressources. Et puis ensuite on continuera sur la partie donc contrat de construction notamment lorsque la personne accède à la propriété. Et pour ceux qui sont locataires ou propriétaires, hein, ils ont la possibilité aussi de venir consulter donc à la DIL gratuitement aussi pour qu'on puisse leur donner des informations sur leur contrat, sur les droits et obligations, alors sur toute une sur des thèmes en fait qui sont divers et variés qui touchent au logement. Catherine, bonjour. Catherine, allô, allô. Bonjour. Oui, bonjour Catherine. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, donc vous avez les experts. Sylvie Cadet, qui est juriste conseil à l'Agence départementale de la formation sur le logement. Jean-Paul Constantin, architecte conseil au Conseil d'urbanisme de l'environnement. Conseil d'architecture, merci. Cyril Vélan, qui est géomètre expert. Restez avec nous, Catherine, s'il vous plaît. Je vous invite à composer le 02 62 99 2000 pour toutes les questions, également par SMS au 06 92 70 2000. When she was a young girl. Play with me. En savoir plus sur le bornage de votre terrain, que dit la législation, et puis si on peut revenir aussi sur vos droits et vos devoirs et comment les faire valoir. Les experts sont avec nous sur la première jusqu'à 11h30. Catherine, alors, quel est votre problème, s'il vous plaît? Alors, donc, moi, j'habite une maison qui est mitoyenne. Et depuis quelques temps, j'ai les chiens des voisins qui s'amusent à passer par la clôture, alors que on a fait pousser exprès des haies pour qu'ils ne passent pas. Et on a beau dire aux voisins de s'occuper de son côté de la clôture, il ne fait rien. Et tous les jours, surtout ce matin, donc enfin dans la nuit, quatre fois, on s'est réveillé pour aller sortir les chiens. Et le voisin, il fait genre, oh ben il découvre, ah il sait pas, etc. Donc moi je voulais savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'il réagisse en fait. Oui, ça, c'est un problème récurrent. Alors ça, dans ce genre d'émission, quand on parle de voisinage, de conflits, etc. Ces animaux, ces chiens, entre autres. Sylvie Cadet. Alors, la personne qui est propriétaire de ces chiens en a la garde. Donc, c'est effectivement le propriétaire des animaux qui doit donc prévoir un enclos ou en tout cas prévoir effectivement une clôture suffisamment solide pour que les chiens n'aillent pas ailleurs et surtout ne causent pas de troubles de voisinage puisque là manifestement il y en a un pour cette dame. Alors c'est un trouble du voisinage. Complètement, oui, c'est un trouble anormal du voisinage. Anormal. À partir du moment où en fait cette personne n'a peut-être pas d'animaux, elle a fait ce choix-là et c'est pas normal, donc elle se retrouve avec les chiens du voisin en fait chez elle qui pourraient donc endommager ses plantes, aboyer. Exactement ça. Voilà. Il fait ses besoins. Enfin, ils font, parce que ce matin, ils étaient trois. Oui. Ils font leurs besoins dans le jardin, ils font des trous. D'accord, ils viennent chez vous pour les besoins? Ah, je ne sais pas pourquoi ils viennent chez nous. Ça doit être Il doit y avoir une raison. Si ces chiens viennent chez vous, c'est qu'il y a une raison. Oui, je pense que c'est plus agréable chez nous que chez eux. J'ai l'impression que vous êtes très sympa voilà. Avec les animaux. Vous aimez les chiens, vous. Propre. Et ça s'entend. Mais Catherine, ça s'entend que vous aimez les animaux. Ça s'entend. Voilà. Mais ouais. Non, mais là, en fait, moi, ce qui m'embête, c'est que qu'ils viennent, enfin, qu'ils soient là et qu'ils ne causent pas de problème, moi, ça me poserait pas de soucis. Mais de nettoyer et de refaire mon jardin parce que j'ai des trous un peu partout. Là, ça me gêne beaucoup. Ce que je trouve dommage, les experts, c'est qu'elle en parle aux voisins. Alors, mais oui. L'autre, elle a fait la première démarche. Hein. Voilà, c'est très bien puisqu'elle a commencé par une solution amiable en demandant justement. Très sympa, avec le sourire. En demandant ce que les chiens restent chez le voisin, voilà. Plusieurs fois. Alors maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est passer à un autre niveau. On peut pour cela s'appuyer sur un article qui est l'article 1385 du Code civil. Sur lequel effectivement qui permet effectivement d'établir hein, que c'est le voisin qui reste maître du chien et qui est responsable donc du fait de ces animaux hein, des animaux qui doivent rester sous sa garde. Vous pouvez aussi vous appuyer sur l'arrêté préfectoral quant au bruit, puisque je pense qu'il y a aussi ce trouble anormal du voisinage qui est lié aux aboiements. Et pour cela, on pourra vous communiquer les informations hein, par mail. Hein. Il faudra uniquement nous m'appeler si vous voulez. Je vous enverrai ça par mail. Ah oui, alors oui. Voilà, l'arrêté préfectoral de janvier 2010, qui justement va établir aussi l'impossibilité, bien sûr, d'avoir tous ces troubles-là. Bon, après, on peut dans un courrier l'étoffer en appliquant des articles aussi du Code de la santé publique. Voilà, tout ça fait que, puisqu'en plus c'est la nuit, donc il y a aussi effectivement cette aggravation qui est en liaison avec le fait que ça se produit le soir, hein, donc la nuit. Alors bon, tout ça, on pourra vous remettre les informations. Ce qu'il y a de sûr, c'est que vous avez fait la première démarche, elle est parfaite, hein, puisqu'en général, on essaye à l'amiable d'abord. Alors, on peut bien sûr faire un courrier recommandé dans les plus brefs délais avec ce qu'on vous donnera hein, donc comme élément juridique. Oui. Et puis, en parallèle aussi, demander à un conciliateur de recevoir cette personne, de vous convoquer tous les deux pour essayer de lui faire comprendre une fois de plus, mais cette fois avec un tiers. D'accord. Voilà, qui serait, qui pourrait servir d'intermédiaire, le conciliateur. Le conciliateur. Voilà, qui pourrait servir d'intermédiaire entre vous et lui. Et à ce moment-là, ça fonctionnera peut-être très bien, il comprendra, et vous n'aurez peut-être plus de problèmes avec les chiens du voisin. Je l'espère, et puis on va suivre votre dossier de très près, Catherine. Il y a Alain. Alain qui patiente et Achille. Mais je voulais juste savoir, et ça nous intéresse, vous avez une clôture, c'est un mur mitoyen, comment c'est fait? C'est une clôture. En plus, nous, on a fait pousser des palmiers multipliants pour pas qu'ils passent, mais ils arrivent quand même à passer. Non, alors attendez, oui, Jean-Paul Constantin. Vous n'avez pas la possibilité de mettre une sorte de grillage qui irait jusqu'au sol? Si, mais moi j'estime que c'est pas à moi de le faire, que c'est au propriétaire de chien. D'accord. Oui, Cyril Vélan, géomètre expert, vous en pensez quoi? Je pense que la dame... C'est au propriétaire de le faire. Bah c'est à lui à assurer le fait que ces chiens ne divaguent pas sur à la fois le domaine public ou chez les propriétés privées riveraines. Donc, soit ils attachent, soit il est clos, avec une clôture, effectivement. Mais c'est pas forcément aux voisins de se prémunir, de se protéger d'une éventuelle invasion de chiens errants ou pas chez soi. Ouais. Quoi. Enfin, Catherine, c'est clair. C'est à votre voisin. En tout cas, mettez toutes les chances de votre côté. Voilà, soyez bien entourés. Et puis, on espère que vous aurez tous les renseignements. Alors, ceci dit, on a vos coordonnées. Je laisserai à la fin de l'émission les différents numéros de téléphone de nos experts. D'accord? D'accord. Voilà, vous restez avec nous. Hein. Oui. Non, je ne pourrai pas. Vous ne pourrez pas là, donc, vous inquiétez pas. On a votre numéro de téléphone. On suit le dossier, d'accord? D'accord, très bien. Merci beaucoup, Claude. À très bientôt. Merci à vous. Avant d'aller retrouver Alain de la Possession pour un permis de construire, notamment pour une piscine, nous avons Achille du Tampon. C'est une question qui concerne les terrains, c'est ça. Achille, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question aux experts que vous êtes. En fin de compte, moi j'ai construit, j'ai acheté mon terrain et comme mon frère est juste à l'arrière du terrain, et je lui ai donné un droit de passage. Et donc, comment le voisin d'à côté, il n'était pas d'accord du tout pour faire la division du droit de passage en deux, quoi. Donc j'ai pris 30 mètres sur mon terrain et 3,50 mètres de large sur toute la longueur. Et donc je voudrais savoir comment faire pour interdire le voisin de passer sur ce droit de passage, quoi. Comment interdire? Alors, est-ce que vous avez le droit d'interdire? On me dit que oui, vous avez le droit d'interdire. A priori, si on a bien compris autour du plateau votre cas, c'est que vous avez laissé, vous, sur votre terrain, un accès pour votre frère derrière. Qui était enclavé d'accord. Il n'avait pas de passage du tout. Mais cette servitude, l'emprise de cette servitude, a été prise uniquement sur votre terrain à vous. Sur mon terrain, moi. Toute la longueur, sur 3,50 mètres de large. Donc c'est très clair. Le seul bénéficiaire de la servitude pour l'instant, c'est votre frère à l'arrière. Oui. D'accord. En aucun cas, le riverain, sauf convention contraire, ne peut passer sur votre terrain et sur cette servitude. Oui. Si jamais il veut y passer, il y a aggravation de servitude, vous l'autorisez, moyennant soulte compensatrice éventuellement, acte notarié, etc. D'accord. Oui. Mais en l'état de fait, enfin aujourd'hui, il n'est pas absolument question que ce voisin passe sur votre propriété qui est privée. Et la servitude concédée actuellement, qui est conventionnelle, elle ne dessert que le terrain de votre frère. Donc point barre, on s'arrête là. D'accord. Jean-Paul Constantin. Oui, et vous êtes chez vous jusqu'à la borne et vous pouvez clôturer. Vous pouvez mettre une clôture. Oui, mais bon, le problème, c'est qu'avec ce voisin-là, on ne peut pas discuter. Une fois, je lui ai dit, parce qu'en fin de compte, il avait un grillage, c'était son parc poule. Ouais. Et il a comme son fils habite sur la partie où il ne peut plus rentrer. Donc il est parti sur mon terrain pour rentrer sur l'autre. Chaque propriétaire, s'il divise sa propriété, doit assurer... Non mais divisé ou pas divisé, mais construire à l'arrière, il doit assurer la desserte de ce qui se fait à l'arrière sur son propre terrain. Mmh. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est le principe de base. Tout à fait, oui. Sylvie Cadet. Oui, la servitude doit effectivement être prise sur les terrains objets de division et de partage. Donc, il peut pas effectivement, on ne peut pas obstruer ce passage-là. D'accord. Et passer effectivement ailleurs. D'accord, ok. Même si j'ai donné à mon frère verbalement, quoi, c'est, en fin de compte, moi je paie l'impôt sur toute la totalité du terrain. En fait, vous avez constitué une servitude pour votre frère. Voilà. Il n'y a pas eu, donc, devant notaire, un acte spécifie. Il n'existe pas cette servitude. Il faudrait vraiment passer chez le notaire et conventionner cette servitude pour vous, parce que vous êtes fonds servant, mais surtout pour le fonds dominant. Pour une raison simple, c'est que le jour où votre frère voudra disposer de son terrain, le vendre, le louer ou autre, il lui faudra un accès légal, conventionnel. Sinon, l'acte sera très compliqué à établir. D'accord. Parce qu'en fin de compte, là, ils veulent vendre et c'est moi qui est l'acheteur très bientôt, quoi. Qu'il profite de l'acte de vente et qu'il voit ça avec son notaire pour en même temps faire établir de façon légale et conventionnelle sa servitude. Ce serait très bien. Ça, Achille. Profitez, bien sûr. Il faut absolument le faire. D'accord. On a répondu à votre question. Très très bien et merci à toute l'équipe. Excellente journée à vous et bonne continuation. Merci. Vous revenez quand vous voulez, Achille, hein, d'accord ? Merci. À bientôt. Je vais saluer Alain de la Possession. Bonjour, Alain. Bonjour, Claude. Bonjour. Bonjour, monsieur Constantin, madame Cadet, et je vais oublier son nom. Cyril Vélan, répétez après moi. Bonjour. Monsieur Cyril Vélan. Très bien. Alors, ça concerne un permis de construire pour une piscine. Oui, je voulais savoir pour une piscine en sol, est-ce qu'il faut un permis ou pas ? Très bien, on vous explique tout ça juste après Jonathan. Merci à vous. Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Que je suis la seule que tu n'aies jamais autant désirée. Je n'ai pas de rendez-vous, plus de rancard que j'ai envie d'accepter. Avec toi c'est évident, je suis prête à oublier mon passé. J'ai toujours aimé charmer, mais peu importe, s'il n'y a qu'à toi que je plais. Moi je me dis que c'est toi. Je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs, juste comme ça. Et je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois, pardonne-moi mes doutes et mes colères. Le temps fera l'affaire. Et toi et moi, oh, ça ira. J'aime les c'est rassuré que tu empruntes au plus beau monument. Ton regard doux comme un secret, tes caresses aux limites de l'indécent. Tu comprends tous mes silences, chacun de mes petits moments d'absence. Si je vais au paradis, je suis pas sûre de voir la différence. Moi je me dis que c'est toi. Je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs, juste comme ça. Et je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois, pardonne-moi mes doutes et mes colères. Le temps fera l'affaire. Et toi et moi, je me dis prenons des risques et de toute façon c'est trop tard. Et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs. sont à votre écoute ce matin sur la première. Cyril Vélan, géomètre expert, Sylvie Cadet, juriste conseil à l'Agence départementale d'information sur le logement et Jean-Paul Constantin du Conseil d'architecture de l'urbanisme et de l'environnement. Alain, votre piscine, donc, c'est pour vous, hein, c'est, on est d'accord? Oui, c'est pour moi, oui. D'accord. Oui, oui. Alors, la question précise, s'il vous plaît. Pour une piscine hors sol, une piscine en dieu, je précise, mais hors sol, est-ce qu'un permis de construire est obligatoire? Le permis de construire est-il obligatoire? Jean-Paul Constantin. Alors, permis de construire, pas forcément. C'est au-dessus de 100 mètres carrés de bassin. Bon, non, alors, entre 10 mètres carrés et 100 mètres carrés, on fait une déclaration préalable. Oui. Sauf si, par exemple, on a une couverture, mais à La Réunion, personne ne couvre ces piscines. Bon, donc on va pas rentrer dans le détail. Et pour moins de 10 mètres carrés, aucune formalité particulière. Voilà, en gros, c'est ça. Et on ne tient pas compte du tout de ces histoires que j'entends sans arrêt, le hors-sol, le pas hors-sol. Bon, dès lors que c'est pour plus de 3 mois, c'est donc une construction... Et ça répond aux règles d'urbanisme standard, voilà. Alors, par contre, c'est une chose, il faut bien vérifier au niveau du plan local d'urbanisme, parce que certaines communes ont eu la précaution d'inclure dans leur PLU, dans leur règlement, quelque chose, qui, un petit article qui dit que pour les piscines, on ne tiendra pas compte des reculs, etc. Et il y a des communes où rien n'a été prévu et où c'est un peu gênant parce que du coup, comme c'est un bâtiment, si on veut faire les choses dans les règles, on est obligé de soit prendre la construction en limite de propriété, au moins pour la plage, soit avoir un recul de 3 ou 4 mètres suivant la commune. D'accord. Et j'ai une autre question après concernant la clôture. Oui. Dans le règlement du lotissement, il est prévu une clôture qui ne dépasse pas un mur de 40 cm par rapport au sol naturel et un mètre de clôture dessus. Donc j'ai fait ma clôture et en fait ma piscine elle est déjà faite. Et quand j'ai fait ma piscine, sur la plage qui est à 2 mètres au-dessus de la clôture, j'ai mis un garde-corps. Normal, autrement je ne pourrais pas profiter de la plage. Est-ce que ce garde-corps peut être considéré comme une clôture? Écoutez, moi, ce que je vois, si depuis votre garde-corps, depuis votre plage, vous avez une vue directe chez le voisin, je pense que là, vous pouvez, le voisin peut vous demander de faire un mur cache-vue. Oui, parce que c'est une construction. C'est une construction. Et soit on a le recul nécessaire, soit on protège le voisin de sa vue directe. Directe et oblique. D'accord. Voilà. Okay, donc d'accord. Je prendrai pas je prends pas ça sous l'aspect est-ce que c'est une clôture ou pas, etc. C'est plus complexe que ça, voyez. D'accord. Oui, c'est Sylvie Cadet, Cyril Vélan, autre chose à rajouter sur le cas de L1 pour de la possession pour sa piscine. Oui. Oui, je m'interrogeais en fait sur le dénivelé éventuel entre votre voisin et vous. Est-ce qu'il y en a un? Oui, parce que il a décaissé son terrain. Moi, mon histoire, j'ai déjà appelé une fois, j'avais appelé pour un mur de soutènement qu'il aurait dû faire, qu'il n'a pas fait. J'ai fait chez moi et à ma carte. Ah oui. Et il a déposé plainte à l'assurance. L'assurance a nommé un expert. Moi aussi, j'ai fait mon expert à mon assurance. Et les experts lui ont fait comprendre que sa plainte n'avait pas lieu d'être parce que c'était lui qui était en faute. Mais bon, bien entendu, comme il veut m'emmerder, ben maintenant il cherche autre chose ailleurs. Il cherche la petite bête, peut-être, c'est ça? Oui, il en reste. Exactement. Moi, je dis qu'il cherche les poux dans la tête d'un chauve. C'est pas mal, ça. Il n'y en a pas sur le plateau. Je le suis moi aussi. Alors, je voulais en fait voir, parce que vous parliez justement de ce dénivelé, ce qui fait que c'est un mur de soutènement qui devra soutenir non seulement vos terres et aussi donc la piscine, puisque c'est le voisin qui a décaissé. J'ai fait chez moi le mur, à mes frais. Donc c'est un mur de soutènement que vous avez installé. D'accord, c'est parfait. Okay. Vous avez édifié ce qu'il fallait. D'accord, très bien. Ouais. Voilà. Donc, Cyril Bellan, bon. Tout est bien, c'est bon ? Pas de commentaire. Vous avez tout ce qu'il faut sous la main, Alain, c'est bon ? Oui, c'est bon, j'ai eu mes réponses, merci. Merci à vous, à bientôt. À bientôt sur la première. Alors, la question de Marie, notamment de Sainte-Anne, qui demande si on a le droit de faire des travaux dans une ravine. Alors, les travaux de la personne commencent à gêner les voisins avec de l'eau qui déborde. Cyril Vélan, géomètre expert. Les ravines, faire les ravines des travaux dans une ravine sont toujours un peu un point litigieux quand on est confronté à ce genre de problème. Bon, il faut savoir qu'une ravine peut être soit publique, d'accord. Il y en a pas beaucoup à La Réunion. Les plus grosses sont classées de domaine public. Ouais. Celles qui ne le sont pas, on est censé être propriétaire jusqu'à l'axe de la ravine, d'accord. Il n'en demeure pas moins que même si la ravine reste propriété privée. Elle sert à évacuer des eaux pluviales naturelles, donc on ne doit rien faire pour obstruer l'écoulement, pour empêcher l'écoulement naturel des eaux pluviales, d'accord ? C'est ça, oui. On ne doit rien faire, donc qui gêne cet écoulement, on ne doit pas faire d'aménagement qui ne respecterait pas les dispositions d'urbanisme prévues au PLU et au PPR, donc PPRI, mouvement de terrain, etc. PLU, c'est le plan... Plan local d'urbanisme, qui est associé au plan de prévention des risques. Plan de prévention des risques. Inondations et mouvement de terrain. Donc, à proximité immédiate des ravines, il y a toujours des zones de contrainte plus ou moins fortes, dans lesquelles on ne peut rien faire, si ce n'est regarder l'eau couler, quand ça coule, ou voir un chouchou pousser, point barre. Donc, je ne sais pas de quel type de travaux on parle, mais faire des murs de confortement, faire des cuisines d'été ou des parcs animaux, comme on dit ici, dans des zones qui sont a priori pas constructibles et de surcroît sans autorisation, ça me paraît aléatoire. Parce qu'elle précise des travaux donc et qui commencent à gêner les voisins. Mmh. C'est ça qui fait peur un petit peu à Marie de Sainte-Anne, Sylvie Cadet. Oui, donc en fait, elle a cette personne qui construit, comme l'a très bien expliqué Monsieur Vélan, qui construit en fait dans la ravine à partir du moment où elle empêche en fait un écoulement des eaux, puisqu'il y a un débordement. Elle parlait de débordement. Ouais. Nécessairement, ça ne peut Mais pas être autorisé. Déborde, oui. Ça ouais. ne peut pas être autorisé puisqu'elle empêche l'écoulement naturel des eaux. À partir du moment où on va construire, édifier quelque chose et gêner finalement cet écoulement, nécessairement, ça ne peut pas être autorisé. Jean-Paul Constantin. Oui, alors si déjà, avec les pluies qu'on a en ce moment, si déjà ça déborde, ça gêne l'écoulement de ces eaux-là, qu'est-ce que ce serait avec les pluies centennales, celles pour lesquelles les calculs sont faits? Et quand ça arrivera sur le coin de la figure, bon, on n'est pas centenaire ici, hein, mais les dégâts peuvent être considérables. Donc en fait, on imagine mal. Moi, je me souviens, pendant Hyacinthe, en 1980, des gens disaient « Quoi ? Mais j'ai jamais vu couler une ravine ici. Comment ça se fait que c'est coulé ?» Enfin bon, bref, les gens découvraient ce qu'étaient des bonnes grosses crues. Après une semaine et demie et de pluie, la terre est gorgée d'eau, la moindre goutte d'eau a grossi les torrents, et c'est terrible ça. On a la mémoire collective perd ces notions de grande folie de crue. Et il y a un arrêté de préfectoral de 1948 qui dit clairement, même par rapport au sommet des berges, on doit encore reculer de 10 mètres pour les clôtures et les ouvrages et les fosses septiques et les machins et les choses et tout ça. Donc en fait, il faut être très très prudent. Et si jamais on fait des travaux, il est indispensable de les appuyer sur une étude hydrogéologique faite par un bureau d'études géotechniques. Ouais, alors dans ces cas-là, pour Marie de Sainte-Anne, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait qu'elle se rapproche de la mairie, etc. C'est Cyril Vélan, Sylvie Cadet. Oui, si effectivement elle est en train de construire, qu'elle a déjà commencé, je pense que le mieux ce serait donc d'arrêter les travaux pour l'instant et de venir voir mes collègues architectes conseil du CAUE dans la mairie concernée dans un premier temps pour essayer de voir effectivement ce qu'elle est en train d'édifier, puis vérifier la réglementation à chaque fois qui est en liaison avec son terrain, donc notamment le plan local d'urbanisme. Ensuite, donc mes collègues architectes vont lui donner donc des informations. Je ne pense pas qu'elle ait demandé, qu'elle ait fait une déclaration. Enfin, bien que là, c'est la voisine en fait qui est gênée. Donc, il faudrait que cette voisine, elle peut se renseigner. Il n'y a pas de problème. Elle peut se renseigner auprès des architectes conseils et voir si ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, en fait. Mais est-ce qu'il faut faire constater donc ces travaux par la police municipale, etc., etc. Est-ce que il faudrait déjà si elle craint pour sa sécurité, parce que là, ce sont des travaux dans dans une rivière, donc. Je pense que dans un premier temps, ce serait peut-être bien juste de voir d'avoir un rendez-vous avec le CIE déjà pour voir effectivement ce qui est en train d'être fait. Et puis après, oui, bien sûr, il y a la police municipale. On écrit au maire pour lui expliquer en fait ce qui se passe à cet endroit en fonction de la nature de la ravine, comme l'exposait tout à l'heure Monsieur Vélan. Donc tout ça en fait est vraiment en fonction de la situation. Donc il faut déjà en savoir un peu plus avant de lui dire il faudra faire comme ça ou comme ça, tout en sachant que CAU a dit on travaille ensemble. Donc si cela relève aussi d'une information qui pourrait être fournie par la DIL, le CAE en fait le lien avec nos services. Voilà. Cyril Vélan. Oui, non, rien de plus. Se rapprocher effectivement des services compétents, éventuellement de la mairie pour voir si peut-être la police municipale peut intervenir ou des choses amiables au début, et puis savoir détecter quelques points de droit qui permettent de faire avancer les choses. Les experts Cyril Vélan, géomètre expert, Sylvie Cadet, juriste conseil à l'Agence départementale d'information sur le logement, et Jean-Paul Constantin du Conseil d'architecture de l'urbanisme et de l'environnement sont avec nous pour répondre à toutes les questions. Alors, on peut revenir sur le bornage, sur les règles de mitoyenneté, sur la servitude de passage, sur le mur de soutènement. C'est votre émission, évidemment, sur la première 02 62 99 2000. Si j'avais su, j'aurais tout esquivé sans hésiter. Le manque de blé m'a poussé à tirer. Le film est fait, je ne peux qu'assumer. Maman, papa, désolé, désolé, désolé. On a cru en l'Eldorado. Les jours défilent et tout devient punible. Le système jette de l'huile sur le feu. Et ce sont les mêmes qui se brûlent, marre de voir la maman pleurer et le daron qui se casse le dos. Les factures s'entassent et viennent de couper l'eau. La situation ne fait qu'empirer. J'suis qu'un jeune révolté. Si j'avais su, j'aurais tout esquivé sans hésiter. Mais le manque de blé m'a poussé à tirer. Le film est fait, je ne peux qu'assumer. Maman, papa, désolé, désolé, désolé. Désolé, désolé. Maman, papa, désolé, désolé. Désolé, désolé. Maman, papa, désolé. J'ai voulu essuyer vos larmes, essuyer vos dettes, finir avec cet homme qui nous guettait. Vivre une vie normale, vous voir avec moins de stress, profiter de ce soleil d'été. En vérité, qui est le fautif, le pauvre, ou celui qui prend un mal, un plaisir à lui d'accéder sous peine de l'éjecter de son propre foyer. Mais nous sommes des humains comme vous. Si j'avais su, j'aurais tout esquivé sans hésiter. Mais le manque de blé m'a poussé à tirer. Le film est fait, je ne peux qu'assumer. Maman, papa, désolé, désolé, désolé. Tout est parti si vite, avec le shoot d'un tireur d'élite. Un mal pour un bien, même si ce mal, il fallait que je l'évite. Et pendant mieux, je me shoot à la codéine. Je sais ce qui m'attend, 10 ans ou plus, voir mes parents souffrir. Des pleurs, des cris, des larmes, des coups d'éclair sur mes synapses. Mal de crâne face à ces problèmes mathématiques. Ai-je plombé sa vie? Non, plutôt la mienne. Je me suis cru dans un film face à cette scène à l'NCIS. J'aurais tout esquivé sans hésiter. Mais le manque de blé m'a poussé à tirer. Le film est fait, je ne peux qu'assumer. maman, papa, désolé, désolé, désolé. Philippe est au standard de la première. Les experts, évidemment, qui répondent à toutes les questions au standard, au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Première. Dans 5 minutes, le flash avec Antoine Garnier. Philippe est avec nous. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, depuis quelques années, c'est qui m'inquiète. J'habite chez Espérance-Sainte-Marie. C'est un quartier bien, tout est bien, les routes, tout ça sont neufs. Il faut dire qu'il est bien occupé, notre quartier. Oui. Mais ce qui m'intrigue, m'inquiète un peu, on dit qu'il y a des experts un peu partout, j'entends parler, mais moi, ce qui m'intrigue, c'est comment ça se fait qu'il y a des gens qui construisent en ce moment des grands châteaux, des grandes maisons, et ils nous laissent même pas 30 cm de passage sur le trottoir, de droite comme de gauche. Moi qui est chauffeur, qui conduit depuis presque un demi-siècle, aujourd'hui on voit ça, de nos jours, c'est un peu inquiétant. Je voudrais pas marcher à pied dans ce coin-là. Hein. Même pour le bus, il n'y a plus de visibilité, tout ça, il y a 2 mètres en voie long, et il reste 25 ou 30 cm de trottoir dans les virages. Si vous dites qu'il y a des experts à la Réunion, comment est-ce que ça s'est fait, que ça soit possible? Mais Philippe, vous avez raison d'en parler parce que c'est de plus en plus le cas. On a l'impression que les trottoirs se sont de plus en plus petits. Oui, Sylvie Cadet, juriste conseil. Votre sentiment, en fait, c'est voilà. Alors, il fait un commentaire sur ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Oui, oui. En fait, il indique, va vous indiquer, monsieur, que les routes, hein, ou en tout cas les passages, hein, sont de plus en plus étroits. Alors après, il faut voir où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'il s'agit de passages privés qui existaient peut-être depuis très longtemps, avec parce que souvent, effectivement, même lorsqu'on est en servitude de passage, là... Excusez-moi. Oui, vous madame, voulez parler d'une route, madame, d'une rue. Excusez-moi. Ça fait pas 3 ans, tout de plus que cette maison était fixe, c'est un grand château, il est bien, il n'est même pas habité, il est fermé. Mais il y a un mur de soutiennement, un mur de sa cour. Mais le passage. Qui va jusqu'à dans le virage, il y a plus de 30 cm de passage. Vous voulez... Moi, si je descends à pied, j'ai peur de passer dans le coin parce qu'on va être coincé quand il croise le bus sur le camion, hein. Vous allez être écrasé contre le mur, hein. En fait, vous voulez dire que c'est une rue, alors, une route, mais qui est devenue plus étroite parce que les gens se sont reconstruits tout autour. Depuis le début de la route jusqu'à la finition, la campagne, c'est comme ça, dans ce coin-là, c'est comme ça. Oui, ben ça doit certainement provenir. Vous parlez des années, mais ça remonte même pas 2 ou 3 années, c'est en train de le faire de plus en plus. Il continue à faire. Moi, j'ai reculé mon portail et ma cour de 4 mètres. Vous avez parlé auparavant. Je comprends mètres. Ce qu'il est en train d'expliquer. Quelque part, on. Dans 7 ans, j'ai travaillé 15 ans dans l'entreprise. Ouais. Je connais un petit peu, je ne suis pas un expert, moi, je connais un peu. J'ai toujours conseillé aux gens de reculer le portail ou le barreau ou autre. Et puis, je vous parle du portail de la route. Mais je peux vous parler de ça dans l'eau. Philippe, oui. Nos experts vont vous donner un petit peu leur avis aussi. Cyril Vélan, géomètre expert. Alors, ce que vous voulez, je pense, essayer de tenter d'expliquer, Madame Cadet, c'est en fonction de la nature de la voie, si elle est publique ou privée, les choses ne s'articulent pas pareil. Si on est sur du domaine public, aucun propriétaire privé ne peut s'amuser à mettre une clôture sans avoir au préalable demandé auprès du concessionnaire, auprès de celui qui gère la voie publique, donc souvent la mairie ou le département ou la région, une demande d'alignement au droit de sa parcelle, de façon à ce que la définition du domaine public soit fixée de façon unilatérale et qu'à partir de ce moment, on sache où poser sa clôture. Alors, est-ce que ces gens respectent cette obligation? Je ne sais pas. En tout cas, pour notre part, on fait une grosse politique de sensibilisation là-dessus, de façon à ce que les gens respectent cette obligation et qu'ils fixent leurs limites là où il le faut. Maintenant, si on est en bord de voie privée, une servitude privée, Là, il faudrait voir ce qui est conventionné dans les actes éventuels pour voir si cette servitude est dimensionnée. Si elle est dimensionnée à 3,50 m et que les gens se mettent leur clôture à 3,50 m, il n'y a pas de souci. Mais je pense que là, on est quand même plutôt dans un cas de domaine public et il faut que les gens se rapprochent de la mairie pour fixer leurs limites en fonction d'un arrêté entre le domaine public et le domaine privé. Très rapidement, Jean-Paul Constantin, 30 secondes pour redonner un avis sur ce que disait notre auditeur. Oui, les règles d'urbanisme fixent les emprises des voies publiques ou privées même, les deux. Et ces règles sont passées à l'enquête publique, c'est-à-dire que le public donne son avis. Et après, c'est applicable. Alors, est-ce que par contre, les gens ont bien fait les choses dans les règles et ont respecté ces règles? Ça, c'est encore tout autre chose. Mais c'est pas qu'une histoire d'experts qui pondent ça dans, non, leur bureau. Il y a du monde au standard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, s'il vous plaît. Merci. Et puis, on ira retrouver tout à l'heure Chantal et Fabrice au 02 62 99 2000. Les experts sont avec nous. Ils vous écoutent sur tout ce qui touche à votre logement, à votre maison, l'écoulement des eaux pluviales, la mitoyenneté, la servitude de passage, le bornage. 02 62 99 2000. Bonne fin de matinée à vous tous avec la première. Il est 11h. Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Fin de garde à vue aujourd'hui pour l'homme qui a poussé son dallon dans le lit de la rivière des Remparts, samedi midi à Saint-Joseph. Âgé d'une trentaine d'années, la victime n'a pas survécu à la chute. Désigné par un témoin, le suspect présentait une alcoolémie de 3 grammes par litre de sang. Cet homme de 43 ans sera donc présenté au palais de justice de Saint-Pierre cet après-midi en vue d'une mise en examen pour meurtre. Elle aussi avait beaucoup bu et elle aussi doit être mise en examen dans la journée. La conductrice du 4x4 à l'origine d'un grave accident survenu samedi après-midi dans l'Ouest sur l'ancienne route nationale à hauteur de Grandfonds. Elle sera déférée au parquet de Saint-Denis ce lundi. Récidiviste de conduite en état d'ivresse, elle avait 2 grammes d'alcool par litre de sang. Les 4 personnes blessées dans l'accident étaient toujours hospitalisées hier, mais leur jour ne serait plus en danger. La sécurité routière dans l'actualité ce lundi avec le lancement d'une campagne de sensibilisation des propriétaires de scooters 50 cm cubes. Le débridage est une pratique répandu mais illégal, qui permet d'augmenter la puissance de ces engins au lieu des 45 km/h qu'un scooter peut atteindre lors de sa commercialisation. Certains engins peuvent monter jusqu'à 70 voire 80 km/h. Outre une amende de 135 €, les propriétaires de scooters débridés s'exposent à des conséquences insoupçonnées. On en reparle dans le journal de midi et à partir de 12h15 dans C'est dans l'actu. Pour en débattre, Philippe Dornier recevra des représentants de la gendarmerie, de la Fédération des motards en colère et un vendeur de deux roues. À Madagascar, un couple de jeunes Français retrouvés morts hier sur l'île de Sainte-Marie. Âgés de 22 et 25 ans, les victimes étaient bénévoles dans une association. Il s'agit d'un crime odieux, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères français. On fait le point à midi sur les premiers éléments de l'enquête. Nous reviendrons également sur la pagaille hier à l'aéroport de Gilo où des passagers en partance pour l'Hexagone ont eu la mauvaise surprise de se faire confisquer du boucané ou bien des saucisses qu'ils avaient placées dans leur valise. La faute à une mauvaise interprétation par certaines compagnies aériennes des mesures en vigueur ce mois-ci pour éviter une épidémie de fièvre aphteuse dans les élevages de la Réunion. Cette maladie non transmissible à l'homme fait actuellement des ravages dans les élevages de l'île Maurice et de Rodrigues. Nous entendrons Louise de Valicourt, chef du service alimentation à la DAF. Elle était l'invité de la matinale ce lundi sur Réunion Première. À midi, on fera également le bilan des derniers matchs des huitièmes de finale de la Coupe régionale de France qui se sont joués hier. Et puis, nous entendrons aussi la déception de Daniel Narcisse. Le Réunionnais et ses coéquipiers de l'équipe de France de handball n'ont pas réussi hier soir à décrocher une 3e médaille d'or olympique consécutive. Les experts se sont inclinés 26 à 28 face au Danemark. Ils décrochent tout de même la médaille d'argent. Il est 11h03, c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à midi pour le journal de la rédaction de Réunion Première. Et tout de suite, un point sur l'actualité nationale et internationale avec France Info. L'essentiel, Jean-Christophe Martin. Le rideau est retombé cette nuit sur les Jeux de Rio avec 2 dernières médailles tricolores hier soir. L'or pour le boxeur Tony Yoka, mais seulement l'argent pour le handball. Les doubles champions olympiques français battus par le Danemark et un record pour la France. Un total de 42 médailles. On fait le bilan dans le prochain journal à 9h sur France Info. Après 15 jours de pause estivale lors de la rentrée pour le gouvernement avec un conseil des ministres dès ce lundi matin. Au menu notamment la lutte antiterroriste et l'éventuel geste fiscal pour les classes moyennes. La consultation chez le généraliste liste va coûter 2 euros de plus. Ce sera 25 au lieu de 23 euros à partir du 1er mai l'an prochain. Et la nouvelle mobilisation des producteurs de lait, ils seront plusieurs centaines ce soir à Laval, près du siège de Lactalis, le géant mondial du secteur, pour réclamer la revalorisation des prix du lait. Un coup d'œil sur la météo. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Alors cette matinée continue d'être agréable et ce même si l'atmosphère reste sèche, dans l'après-midi en revanche il y aura du changement, les nuages seront sur les montagnes et s'étalant vers l'ouest et le sud, les éclaircies, il y en aura notamment au volcan, en Maïdo et dans les cirques. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Vous souhaitez en savoir plus sur le bornage de votre maison? Si vous avez un projet de construction de maison, un certain nombre de questions méritent à cette occasion une attention toute particulière. Les experts répondent à toutes les questions au 02 62 99 2000. Nous irons retrouver tout à l'heure Chantal pour parler de bornage. Et on est avec Cyril Vélan qui est président du conseil de l'ordre des géomètres experts. Sylvie Cadet, juriste conseil à l'agence départementale d'information sur le logement, et Jean-Paul Constantin, architecte conseil au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. I'm so tired of falling in love, finding it easier to fall out. I can't deny it. I feel it inside, I'll keep its fire. Are you can I? I'm falling in love again. Ain't nothing I can do. Falling in love again. And this time it's with you. When I fall, it's always the same. And I'm so tired of playing this game. Oh. So long now, since I gave up my heart, I've kept it locked down. I don't wanna get it hard. So let me tell you now, I just wanna be sure that you won't hurt me. Can you promise me that? Falling in love again, ain't nothing I can do. Falling in love again, girl, and this time it's with you. When I fall, break my heart, cause I don't wanna take a chance. And if it ain't true, all it's gonna be is nothing but a poor romance. So give me that promise, so hold on, and I'll never let you go. I gotta have something to go on, oh, I'm letting you know now. I'm falling in love again. Ain't nothing I can do. I'm falling in love again, girl. This time it's with you. When I fall, it's always the same, and I'm so tired of playing. message de Marie-Claude sur la page Facebook des experts. J'ai voulu que les relations deviennent plus agréables. J'ai commencé à dire bonjour à ceux qui ne me disaient pas bonjour. Et puis, petit à petit, les choses se sont améliorées. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, elle finit en disant cette citation de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde, dans le monde, et mes voisins et mon monde. Mmh. Donc, c'est ce qu'elle dit, Marie-Claude. Merci. D'accepter ça, le monde de ses voisins, c'est son monde. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Chantal de Saint-Paul est avec nous. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors ça concerne un bornage. Oui. Allez-y. C'est-à-dire que j'ai eu un problème avec mon voisin. Oui. Pour le bornage. Bon, ils ont monté un muret, d'accord. Je suis pas contre qu'ils montent leur muret. Mais moi, en sachant que comme je suis en face de moi-même, ils ont démoli le grillage en coupant en petits carrés. Quand j'ai entendu du bruit, je regarde et je dis aux gens, ben, vous demande pas où casse. Elle dit, c'est le voisin que le propriétaire a dit casser. Mais comment ça se fait, hein, dans la plus logique? Personne n'a le droit de faire n'importe quoi. Le voisin a demandé, fallait crier, demander pour tirer le grillage. Parce que eux, peut-être ils ne sont pas la crise, mais moi, je suis en face de moi-même. Je ne peux pas acheter un morceau de grillage. Ouais, non, mais on va comprendre votre histoire. C'est-à-dire, en fait, c'est votre voisin, c'est ça, hein? Ça concerne votre voisin directement. Chantal? Comment? Ça concerne votre voisin directement, c'est ça? Oui, mon voisin. Et oh, ils m'ont convoqué à la maison de justice, ouais. Tout en sachant que moi, je n'ai fait aucun délit. Mais moi, ce que j'accepte pas, c'est quand ils ont coupé le grillage, il fallait tirer dans les normes. Alors, le grillage était à qui? Le grillage était à moi. C'est votre grillage, donc on ne vous a pas prévenu, c'est ça? Ils ont dit oui, mais le jour pour enlever le grillage, monsieur, oui. Ben, il fallait crier, dit madame. Bien sûr, le propriétaire, non. D'accord. A demandé. Après, on dit que c'est moi qui exagère, c'est moi qui ceci. Mais j'ai quand même mes droits, non? Oui. Sylvie Cadet, juriste conseil. Elle dit quelque chose de très important, c'est qu'elle a des droits aussi. Alors, non, vous n'exagérez pas. Vous avez tout à fait raison de dire on ne peut pas enlever mon grillage. Même pas un clou, même pas moi, j'ai pas le droit de faire. On n'a pas le droit. Voilà. D'enlever, on n'a pas le droit, les gens n'ont pas le droit d'enlever ce qui vous appartient, comme ça sur le terrain, oui. La clôture est à vous, elle vous appartient, donc ils n'ont pas le droit, effectivement, de la toucher. Ils ne peuvent pas, encore moins, l'enlever, puisqu'en fait... Ils ont payé les journaliers, quand j'ai entendu du bruit, la madame, je me suis sortie, je regarde, je dis, ben... Bonjour, ils étaient en train de... Bon. Ouais. Voilà. Alors, lorsqu'on détruit quelque chose qui ne nous appartient pas, il est tout à fait possible, donc, pour vous, de demander à ce que ce soit remis donc en place, puisqu'en fait on ne peut pas détruire ce qui vous appartient. Alors maintenant, reste à savoir ce que vous avez déjà entamé comme démarche, puisqu'apparemment pour l'instant c'est du verbal entre vous et votre voisin. Mais déjà porté plainte, madame. On a porté plainte au procureur parce que les gendarmes ne voulaient pas déplacer. Mais ils m'ont convoqué dans la maison de justice comme si que c'était moi qui avais tort. Chose que j'arrive pas à admettre, que devant la maison de justice, ils ont dit que madame exagère, madame n'a pas toute sa tête et qu'ils ont fait dans les normes. Et comment ça se fait? Mais alors, si vous dites dans les normes, est-ce qu'il existe un document comme quoi vous donnez à ses voisins le droit d'enlever votre clôture, etc. Est-ce que tout ça a été fait dans les règles ou pas? Bonne question, monsieur. Merci. Bonne question. Moi, j'essaye de me défendre. Je suis en face de moi-même. Je dis, ben, si vraiment on connaît vos droits, là, pourquoi vous l'avez pas envoyé à moi un courrier avec la réception? Voilà. On n'aurait pu être plus... Hein? Bien sûr. Et dans la logique là, il fait comme si qu'ils m'ont rabaissé. Le papa et le garçon ont retourné contre moi. Mais Chantal, ça, vous inquiétez pas, vous avez des droits. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi non plus. Voilà. Sylvie Cadet. Alors une question, madame. Cette clôture a été enlevée donc de façon unilatérale par votre voisin. Elle vous appartient certes, mais dans quel but? Il y avait un but? Ils construisent à côté. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont remonté un muret. Bien, à la place. En plus, il m'a caché la vue. Bon, d'accord. Je suis pas contre, madame. au contraire, c'est meilleur pour moi aussi. Mais dans la logique, il fallait rester dans le bon terme. Mais ça mérite que l'on regarde un peu votre dossier. On, oui. on en revient donc clair, au début, à ce que vous disiez tout à l'heure. À partir du moment où, effectivement, il est impossible d'enlever quelque chose qui vous appartient, de détruire quelque chose qui vous appartient. Alors aujourd'hui, ce qui vous gêne, c'est le fait qu'il n'ait pas demandé votre autorisation, ou alors voilà. Vous souhaitez obtenir une réparation. Je demande, j'exige que m'a fait aucun délit et me demande que le juge prend compte de cette situation, mais elle était grave. Et quand mon garçon l'a voulu amener à l'île, le fils à la raison. Il sait pas tout. Le fils a pris un couteau pour mon fils. On a bien compris ça. Ça va très loin. Ça me fait mal. Chantal, oui. S'il vous plaît. On est là pour vous donner les bonnes informations, d'accord ? Voilà. Oui. On va s'occuper de votre situation parce que c'est pas normal. Sylvie Cadet. Je regarde Cyril Vélan aussi. Je regarde Jean-Paul Constantin. On n'a pas le droit non plus de faire n'importe quoi. Voilà. La maison de justice et de droit, lorsqu'elle va vous recevoir, vous allez bien leur expliquer ce qui s'est passé. Sans pour autant vous inquiéter. Laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. En fait, vous inquiéter du fait que ce sont eux qui vous ont convoqué. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est de vous exprimer devant le conciliateur en disant qu'effectivement, il y avait une clôture qui vous appartenait et cette clôture a été détruite. D'accord ? Alors moi, je vous parle que de l'aspect civil, hein, parce que l'aspect pénal ne nous concerne pas. Voilà, donc à partir de là, vous expliquerez au conciliateur et vous formulerez votre demande auprès du conciliateur en lui disant, voilà, je n'accepte pas qu'ils aient enlevé... ils aient détruit ma clôture sans mon autorisation. Et pour cela, je souhaite une réparation à hauteur de temps. Mais on est à l'amiable. On est toujours à l'amiable. Si, effectivement, aucun procès-verbal de conciliation ne pourra aboutir, c'est-à-dire si aucune conciliation ne peut se faire, il faudra aller plus loin, mais devant le tribunal civil pour la réparation. D'accord ? Mais pour l'instant, ne vous offusquez pas du fait que ce soit eux qui vous aient convoqué. C'est pas gênant. Ce qui est important, c'est que vous essayez de trouver une solution à l'amiable. Oui, mais moi, une autre chose, madame, je suis d'accord, moi, qu'il m'a convoqué devant la maison de justice. Hein, mais la manière qu'ils ont fait, ils ont dit qu'ils ont fait une enquête pour moi. Les gens de la cité ne m'apprécient pas. S'il arrive à avoir un problème avec votre voisin, il n'est pas la peine de mettre tous les gens de la cité. De mettre tout le monde dedans, moi, oui. Moi, j'ai répondu tout poliment. Madame, quand mon frigidaire est vide, là, les gens de la cité ne me donnent pas. Chantal, j'ai votre numéro de téléphone. Je vais vous rappeler après. Okay. Et puis, je vous donnerai toutes les infos. Monsieur, d'accord. Mais quand on est en face d'eux-mêmes, on est tout seul là. C'est dur de. Mais ne veut pas qu'on reste tout seul. Nous, là, pour donner les bonnes réponses aux questions. C'est ça. Et voilà, merci. D'accord, merci. Merci. Et il veut dire que m'a fait aucun délit, il m'a pas des mondes. Merci, Chantal. Merci, monsieur. À bientôt. Merci. Merci à vous. Merci. Fabrice, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes là, bonjour. Fabrice ? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de Saint-Pierre ? Oui, Saint-Pierre. Oui, allez-y. Ma première question, enfin, j'ai deux questions. Ma première question, c'est que j'habite dans l'impasse. On est à trois dans l'impasse. Et j'ai vu déjà les services urbanistes. On m'a dit que l'impasse, on n'a pas de droit de stationnement. C'est un lieu où on doit faire un demi-tour. Et j'ai mon voisin qui a trois voitures, il se gare dans l'impasse et quand moi je me mets à côté, il n'est pas d'accord. Donc je voulais savoir s'il a le droit, parce que l'impasse termine devant sa cour. Quoi. L'impasse, vous avez un intervenant ou pas, Cyril Vélan ? Vous êtes président de l'ordre des géomètres experts. Merci Claude. Ouais. A priori, hein, une impasse, elle est sûrement en domaine privé. Même si elle est ouverte au public pour quelques personnes, je pense qu'elle reste domaine privé, c'est-à-dire que ce n'est qu'une servitude de passage, d'accord, qui se termine en cul-de-sac, avec si possible une aire de retournement au bout, et qui doit permettre donc aux gens d'accéder chez eux, mais en aucun cas, en aucun cas d'empêcher l'accès aux autres propriétaires. D'accord. Donc, que l'arrêt soit très momentané pour déposer ses courses ou déposer la grand-mère, il n'y a pas de problème. Mais on ne met pas trois voitures dans une impasse, okay, au risque d'empêcher les autres utilisateurs de cette impasse de pouvoir jouir normalement de leur propriété. Alors là, ce n'est pas une voiture, mais c'est trois voitures, Sylvie Cadet. Oui. Il était en travaux, il met ses tout venant. Non, en fait, il y a un jeune. Oui, il y a un jeune. Il y a un jeune. Alors, ce qu'il y a, c'est que souvent, ces passages sont prévus aussi pour les véhicules de secours. Donc on ne va pas stationner ambulance, un endroit, pompier. Voilà. Oui. On ne va pas effectivement stationner un endroit où justement les véhicules de secours seront amenés en cas d'incendie, par exemple, hein, oui, mais aussi pour des personnes malades, effectivement, d'intervenir. Non, il ne peut pas effectivement stationner sur une voie. Après, il faudrait voir si toutefois il s'agissait d'une servitude de passage, mais même dans ce cas-là, on ne stationne pas sur une servitude de passage. Jean-Paul Constantin. Attendez, Fabrice, oui, attendez. Oui, c'est valable pour les trois voitures de votre voisin, mais si j'ai bien suivi, c'est aussi valable pour la vôtre de voiture. Non, mais moi, j'ai mon stationnement dans ma cour. Hein. Fabrice, il a le stationnement moi, chez lui. C'est moi, chez lui. Oui. Chez moi, oui. C'est chez lui. Alors que le voisin. Et lui, il a pas mal. Il a trois voitures. C'est son problème. Il a bâti, il a pris toute sa place. Maintenant, il met sa voiture devant chez lui, mais dans l'impasse. Oui. Mmh. Oui. Oui. Voilà, donc. Une voie n'est pas un parking. Oh oui, tout ce n'est pas, voilà. Une voie n'est pas un parking. Voilà. Et c'est la même chose pour le tout venant. Hein. On ne met pas le tout venant sur un passage qui nous appartient par un. D'accord. Et j'avais une autre question. J'ai mon voisin de Delia. Il a bâti, maintenant ça fait déjà 15 ans que je suis là, hein, la maison est toujours pareille, c'est pas terminé quoi, et maintenant il habite en métropole, mais sa maison, son terrain, c'est abandonné, il y a plein de bestioles, de rats, tout ça, qui vient chez moi, qui sont des yeux qui viennent chez moi, et moi je traite. Mais comment faire, parce que derrière, il est plus chez La Réunion et il habite en métropole. Comment faire pour lui dire d'occuper de sa cour et tout comme ça? Donc, la maison, elle est terminée, la maison? Non, elle n'a pas terminé. Elle n'est pas terminée. Depuis 15 ans, je suis là et c'est toujours pareil. Moi, je suis arrivé, c'était comme ça. Et là, ça fait 15 ans et c'est toujours pareil. C'est à l'abandon, d'accord. Voilà, ouais. Non, ouais. C'est juste le bâti, quoi, c'est tout. Il y a peut-être moyen de trouver un ayant droit, un enfant qui serait peut-être sur place. Il y a des frères qui sont à côté, mais je ne sais pas si ça les regarde ou pas, parce qu'ils pourraient me dire c'est son frère. Allez quand même leur demander si effectivement il y a moyen d'avoir les coordonnées directement de cette personne. Ou d'un enfant, d'un héritier, d'un ayant droit qui puisse avoir des droits à cette propriété et faire quelque chose éventuellement. D'accord. Donc, donc je vois son frère, alors. Bah oui. Question. D'autant plus que cette maison doit devenir un gîte à nuisibles et à insectes, en fait. Hein, donc, idem pour le terrain. Ça revient tout le temps, et voilà. Voilà, et on peut faire aussi le nécessaire auprès du maire de la commune, en lui envoyant un courrier, et on lui demande d'intervenir, hein, puisqu'il doit avoir les coordonnées donc, du propriétaire du terrain. D'accord. Voilà, donc la démarche amiable auprès des voisins qui peuvent être des membres de la famille, et puis aussi donc, au niveau du maire de la commune, puisque là, ce qu'il y a, c'est qu'il peut y avoir une prolifération de... d'insectes ou de moustiques, etc. etc. J'ai ma cuisine en bois, on répartit les jeunes aussi. Manger, ouais. C'est pas une chaîne, quoi. Ouais. Merci Fabrice. Merci bien. En espérant qu'on a répondu à vos questions. Merci à vous, à bientôt. Il reste très peu de temps pour contacter Mathias au standard de la première au 02 62 99 2000 avec nous Cyril Vélan, président du Conseil de l'Ordre des Géomètres Experts, Sylvie Cadet, juriste conseil à l'Agence Départementale d'Information sur le Logement et Jean-Paul Constantin du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement. Voici Yannick Noah, 02 62 99 2000 pour nos experts. Il y a tant de barrières entre nos vies, de destins en sens interdit. Nous on vit sans frontières, à contre-temps, et nous nos rêves sont nos liens du sang. Times are changing, dreams are changing, but the face keep going on, going on. Jusqu'ici, bienvenue dans ma vie. Hello, oh hello. Si tu vis loin de moi, rendez-vous où tu voudras. Il y a tant de lumière qu'on ne voit pas, qu'on ne croise pas. Nous on vit sans repère, mais jamais perdu. Voyageurs de terre inconnue. Keep on dreaming, keep on dreaming, keep on living, keep on living, and the world is going on, going on. Hello, jusqu'ici, bienvenue dans ma vie. Hello, oh hello. Si tu vis loin de moi, rendez-vous où tu voudras. Times are changing, changing. Dreams are changing, changing. But the fate is going on. Jusqu'ici, bienvenue dans ma vie. Hello, hello, oh, hello, hello. Tu peux me faire confiance, te connaître est une chance. Hello, oh, hello. Si tu vis loin de moi, rendez-vous où tu voudras. Question de notre auditrice Mimi de, donc, sur Réunion Première, on a le droit d'acheter un trottoir? Très bonne question. Oui, alors c'est étonnant, oui. Alors, acheter un trottoir. Bon, s'il y a un trottoir, on suppose qu'on est sur le domaine public. On va partir de ce postulat qu'on est sur le domaine public. Alors, acheter un trottoir, non, on ne peut pas. Je parle bien en face du micro. On ne peut pas acheter un trottoir. On peut, au mieux, obtenir de la part de la collectivité qui le gère, donc la commune, on va dire, une AOT, une autorisation d'occupation temporaire. Une autorisation, voilà, oui. D'occupation. D'occupation. Qui est temporaire. Pour un marchand, par exemple. Pour un commerçant. Pour un petit commerce, etc. Quelqu'un qui veut vendre des poulets, ou quelqu'un qui veut vendre... si vous allez sur les Champs-Élysées à Paris, ou dans ces beaux quartiers-là, vous avez des AOT qui sont concédées à toutes les brasseries. Des brasseries, des bars, etc. Oui, ouais. Donc, c'est tout à fait possible. C'est une sorte de bail qui est concédé aux professionnels. C'est en principe du professionnel. Un privé ne peut pas occuper comme ça temporairement un domaine public. C'est un bail qui se dénonce au bout d'un certain temps et pour une utilisation qui est très encadrée, très réglementée. Voilà. Vous êtes sur Réunion Première pour répondre aux questions des auditeurs. Marie de Saint-Pierre. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. C'est pour un problème de terrain. Oui. Voilà, mes grands-parents sont plus là. Et comme on a un grand terrain, beaucoup dans mes tantes ont pris des parcelles de terrain. Et sur le bout qui restait, je voulais faire une vente compromis. Oui. Temps de mon grand-père, lui a donné 3 et ma grand-mère lui a donné au moins 5. Même que une de mes cousines, ses parents sont encore là, je l'ai signé pour qu'elle gagne un parcelle pour agrandir son terrain, oui, en haut et en bas. Oui, oui. Et donc, me dit comme ça qu'elle n'avait pas le droit parce que ses parents sont encore là. Et ensuite, elle a vendu ce terrain. Oui, oui. Et d'autres cousins, cousines, et que ma tante et son mari sont là, mais elle a vendu la part de ses parents, de son mari. Et Est-ce que je dis comme ça, même ça, donne encore droit dans les actes français? Alors, comment tu n'es pas d'accord Marie, oui, alors ça c'est... Parce que là, j'imagine qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette famille. Mais votre question, c'est... concerne exactement quoi? Quelle est votre question? Voilà, bientôt on aura un rendez-vous avec le notaire. Le notaire, ça c'est, ça c'est... Alors ça c'est très bien, oui. Oui, voilà. Puisque moi, vu une maison de... Du juridique, je ne sais pas comment faut dire. Justice. Voilà, oui. Justice. Oui, voilà. Justice et de droit, oui. Et elle m'a conseillé de bien expliquer tout. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, pour... Oui. Ma question, c'est est-ce que m'y fait une lettre et m'y pose au notaire et est-ce qu'il faut m'y demander à lui comment à faire une photocopie et mettre un cachet dessus? Oui, alors la rencontre avec le notaire, pour tout expliquer, ça c'est primordial, c'est indispensable, oui, absolument. Mais ensuite, alors, ce document, quel parle, quel cite? Alors, dans vos explications tout à l'heure, vous parliez donc de membres de la famille. Je pense qu'il faudrait déjà bien identifier pour chaque terrain qui est propriétaire de quoi. Oui, hein, oui. Parce que voilà, à un moment donné, vous parliez de votre tante, des cousins, cousines, etc. Certains qui disent ah oui, mais moi j'ai encore un droit sur ce terrain et tout. Alors oui, je crois qu'il faut vraiment voir tout ça avec votre notaire, hein, planir tout ça, parce qu'il faut déjà, comme je vous disais, identifier pour chaque terrain qui effectivement a des droits sur ces terrains-là. Hein, parce qu'autrement, effectivement, l'un prétendra quelque chose, aura peut-être pas droit. À tel ou tel endroit. Alors je pense qu'il faut vraiment faire le tour et le point avec votre notaire, faire des petits schémas bien indiqués pour tel terrain à qui ça appartenait, de façon à ce que le notaire puisse aussi vous donner une information sur la quote-part de chacun. Cyril Vélan. Voilà, donc il peut faire une lettre et poser chez le notaire. Alors, mais vous verrez le notaire. Mais il est bien effectivement d'indiquer aussi par écrit, parce qu'il faudra le réexpliquer en fait au notaire. Mmh. Et comme votre situation a l'air d'être un petit peu compliquée avec plusieurs terrains et plusieurs personnes en fait qui semblent être concernées, donc il est bon effectivement de faire un petit point écrit si vous le souhaitez pour pouvoir le retranscrire au notaire quand vous le verrez. Allez-y, Cyril Vélan. Donc... Oui. Bon, attendez, s'il vous plaît. Si j'ai bien compris, je pense qu'il y a un terrain assez grand pour lequel certains héritiers ont déjà pris une partie de ce qu'ils considéraient comme de devoir leur revenir, et il doit rester une masse à partager, hein, si je comprends bien. Ce qui est évident, c'est que pour que le partage puisse se faire, il faut que tout le monde aille chez le notaire, donc allez-y, prenez un premier rendez-vous, expliquez les choses, voyez ce qui a déjà été attribué, comme le disait Madame Cadet, ce qui reste à partager, mais je crois qu'il faut absolument que tout le monde se mette autour d'une table chez le notaire, et voilà. Vous n'êtes pas d'accord, ça. Pardon, vous? Oui, mais s'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord, mais c'est vous faites la démarche. Ça, c'est le plus important. Après, s'ils ne sont pas d'accord, il y a un texte de loi qui dit que nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Donc, si l'indivision est un statut juridique qui vous embête, rien ne vous empêche, même si ça ne se fait pas à l'amiable, de demander à un tribunal de faire lever cette indivision et qu'un partage puisse se faire par tirage au sort. Enfin, il y a des procédés divers et variés. Mais vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas tenu de rester dans l'indivision. Donc, il y a des démarches qui peuvent se faire amiables ou judiciaires. D'accord, Marie? D'accord. Et rapprochez-vous de votre notaire. Donc, il fait une lettre, il pose avec le notaire et il me demande à lui un cachet comme quoi, moi, avec une photocopie. Alors, elle y tient à cette histoire de cachet. Ça se passe pas comme ça. Allez chez le notaire, il vous expliquera la procédure. Il tentera d'inviter dans son étude l'ensemble des intervenants dans cette affaire. Mais allez à un premier rendez-vous chez lui et il vous expliquera les démarches à suivre. D'accord, Marie? Oui, parce que ma pression n'est pas au courant de certaines choses. Parce que j'ai voulu faire une vente de compromis. Je vois à peu près l'histoire dans laquelle elle se trouve, la problématique, etc. Mais Marie, c'est pas ça, c'est que juste on vous a donné le renseignement, je pense qu'il est très important, c'est de se rapprocher du notaire. Et puis on reviendra vers vous pour voir si votre dossier a avancé, d'accord? D'accord. Mais faites ça, faites d'abord ça, allez voir le notaire. Même si les autres ne sont pas d'accord, mais vous faites la démarche. Et vous savez que, Marie, consulter un notaire, c'est gratuit. Vous pouvez aller lui demander le conseil, c'est gratuit. Voilà. Oui. D'accord? Oui, d'accord. Merci Marie. Oui. que j'avais même commencé à parler avec une agence immobilière. Oui, Marie, voyez tout ça avec le notaire. Soyez, ne soyez pas inquiète. J'imagine que vous avez un paquet de questions à passer. Hein? Mais on reviendra vers vous, d'accord? D'accord. Merci Marie. Merci. Daniel de la Rivière Saint-Louis. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour monsieur. L'objet de ma question était pour le président de l'ordre des experts géomètres. Oui Daniel. Était de savoir comment sont fixés les tarifs. Comment sont fixés les tarifs? Les tarifs de bornage et les tarifs de bornage judiciaire. D'accord, oui. Je vous explique mon cas, c'est très simple. J'ai acheté un terrain avec un voisin en fond de parcelle qui n'a pas toute sa tête. Donc je savais qu'au niveau du bornage, je serais obligé de passer par une procédure. Donc j'ai fait faire un premier bornage par un géomètre expert, agréé auprès des tribunaux, blablabla. J'ai payé une somme aux alentours de 900 euros. Oui. Un petit terrain, hein, il y a 600 mètres carrés. Et donc après, j'ai vu le certificat de carence, puisqu'on ne pouvait pas faire signer la personne qui était un petit peu fatiguée, oui. N'est-ce pas? le tribunal a nommé un géomètre expert. Oui. Ce géomètre expert, dans la même commune, a mis 3 ans pour faire un copier-coller exact du premier géomètre, oui. Du premier rapport. 3 ans et pratiquement 4 fois le prix, c'est-à-dire 3 400 euros. Donc vous voulez savoir un peu plus sur la tarification. J'ai fait réclamation au tribunal, on m'a dit, monsieur, les prix sont libres, bon, voilà, ça s'arrête là. Donc j'étais un peu indigné en me disant, les pratiques, 2 ans et demi, parce que j'ai pris 2 ans et demi de retard sur construction, et 4 fois le prix, comment c'est justifiable? Bien sûr, mais alors votre question est très importante et en plus ça tombe très bien parce qu'on a le président de l'ordre des géomètres experts, voilà, s'il vous plaît, sur le plateau. Alors très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Oui, pour répondre à notre auditeur, s'il vous plaît, Cyril Vallon. Très rapidement. La profession de l'ordre des géomètres experts n'a aucune réglementation en matière de tarifs. Donc les tarifs sont complètement libres. Libres. Il y en a une à l'époque, on l'oublie, c'est fini. Donc chaque géomètre expert pratique les prix qu'il veut, en fonction du temps qu'il estime devoir passer sur une opération ou sur une autre. Et donc, il a ses tarifs, il les applique. Vous êtes un consommateur comme un autre, donc vous acceptez ou pas le devis que vous propose le géomètre expert. Ah ben non. Attendez, là, je parle en démarche amiable. D'accord. Maintenant, pour ce qui concerne le tribunal, à partir du moment où le juge est saisi pour un bornage judiciaire, le juge va demander une provision. D'accord. C'est même pas le géomètre qui l'impose. Hein. C'est le juge qui fixe c'est une le provision juge qui pour fixe le bornage judiciaire. D'accord. Qui est, allez, on va dire peut-être de 2 500 à 2 000 euros. Ça même pas. Et en fonction de la difficulté que va rencontrer l'expert nommé par le juge pour aller jusqu'au bout de sa mission, il peut demander un complément d'honoraire. On va appeler ça comme ça. D'accord. Au juge qui acceptera ou pas. Mais là, tout ça est complètement indépendant du conseil de l'ordre des géomètres experts. C'est vraiment sous la responsabilité du juge que ça se fait, d'accord? Et c'est le juge, enfin le seul à qui vous pouvez demander des comptes entre guillemets dans cette affaire-là pour le coût du bornage judiciaire, c'est le juge qui a autorisé ou pas un complément d'honoraire pour l'expert qu'il a nommé lui-même. Voilà la réponse de Daniel. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous parce qu'on arrive à la fin de l'émission. C'est pour cela. Mais on a vos coordonnées, Daniel. On va vous rappeler. Merci, mais voilà, Cyril Vélan vous a donné la réponse. Pour moi, j'ai demandé à être reçu par le juge. J'ai jamais pu être reçu. J'ai envoyé un courrier pour dire manifester mon indignation. J'ai jamais eu de réponse. Quoi. Bon, c'est comme ça. Merci Daniel, merci beaucoup, à très bientôt. Sylvie Cadet, juriste conseil de l'agence départementale d'information sur le logement. Pour vous joindre, il faut composer le 02 62 41 14 24 et de ne pas hésiter à venir vous rencontrer puisque vous tenez des permanences dans les mairies. Dans toutes les communes de Lille, sauf Sillaos. Voilà, donc vous pouvez venir, bien sûr, en prenant un rendez-vous. Dans 2 communes, nous recevons 100 rendez-vous. Quelquefois, donc Saint-Paul et Saint-Pierre, mais à chaque fois, il vaut mieux se renseigner auprès du secrétariat. Jean-Paul Constantin, architecte conseil au conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, c'est le 02 62 21 60 86 et vous travaillez en étroite collaboration aussi avec les juristes conseils de la DIL. Tout à fait. Vous marchez avec. Hein, aux mêmes heures et au même lieu, etc. Pour ceux, tous ceux qui se posent des questions sur le bornage, Cyril Vélan, vous êtes le président du Conseil de l'Ordre des Géomètres Experts. Il faut juste prendre l'annuaire, on appelle et puis on voit vous un géomètre. Vous appelez un numéro qui est au siège de l'Ordre, qui est à mon cabinet pour l'instant, ça va changer. C'est lequel ? 02 62 59 53 84 et on vous répondra avec grand plaisir. Vous avez souvent des questions comme l'auditeur de tout à l'heure, là, Daniel. J'ai toutes les semaines des... Sur la tarification. Donc on l'a bien compris, c'est complètement libre. Mais n'hésitez pas à appeler chez moi et je vous répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup les experts. Merci d'avoir été avec nous sur la première. Les auditeurs avaient beaucoup de questions pour vous également sur les réseaux sociaux et puis par SMS au 06 92 70 2000. Vous reviendrez. Merci encore. Dans un quart d'heure, sur votre radio Réunion Première, le journal présenté par Antoine Garnier. Et puis juste après, l'émission C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Aujourd'hui, l'émission donc est centrée sur les scooters débridés. Attention danger, puisqu'avec une campagne de sensibilisation qui démarre aujourd'hui et qui se poursuit jusqu'au 3 septembre, vous allez pouvoir réagir dans l'émission tout à l'heure à 12h15 au 02 62 99 2000. Voici AGIA et puis juste après, ça sera Jimmy Temea sur la première. Matin, plus de motivation que du chagrin. Et si l'harmonie ferme ses portes, le couloir de la mort sans escorte. Et dehors ceux qui pleurent sur leur sort essuieront les larmes de mon corps. Une vie sans blessure, c'est trop long. Prends le cash et te pose pas de questions. Au-delà de mes espoirs conditionnés, acrobatique, les sentiments deviennent chimiques. Tu donnes, t'as rien en retour. Il se barre avec une autre, ton amour, qui viendra bousculer mes habitudes, qui viendra me faucher ma solitude. Habiter sur l'échafaud de la maille, je retourne d'où je viens dans ma grisaille. Au-delà de mes espoirs conditionnés, je voudrais tout envoyer. Et oublier là où Il est 11h52 sur la première, les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Monsieur Waro Ambroise Maximin. Monsieur Waro Ambroise Maximin, décès survenu le 21 août à l'âge de 84 ans. La veillée a lieu à son domicile au 39 rue Général de Gaulle au Tampon. Le convoi sortira du domicile. C'est aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église du Tampon à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Percé David Benoît. Monsieur Percé David Benoît, décès survenu hier à l'âge de 81 ans. Le convoi sortira de son domicile au 35 chemin des Vaquois aux Avirons, aujourd'hui à 15h30. La bénédiction aura lieu aux Avirons à 16h. L'inhumation au cimetière des Avirons. Décès de Madame Técher, Marie Edgarine née Payette dit Garine, Madame Técher, Marie Edgarine née Payette dite Garine, décès survenu hier à l'âge de 89 ans. Le convoi sortira de chez son fils, Monsieur Dijoux Hervé, au 33 chemin Petite Ravine Pondive au Tampon, aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Bradepontou au Tampon à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Bradepontou. Décès de Monsieur Lope René Dominique dit Tizan, Monsieur Lope, René Dominique dit Tizan, décès survenu hier à l'âge de 53 ans. Le convoi sortira au numéro 8 impasse Ernest Deville, c'est à la Marabouldeau à Salazy, demain à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Salazy à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Salazy. Décès de Monsieur Rebecca Joseph Antoine Dieudonné dit Tino. Monsieur Rebecca Joseph Antoine Dieudonné dit Tino. Décès survenu à l'âge de 77 ans. Le convoi sortira du centre funéraire de Prima. Après donc la bénédiction qui aura lieu au centre funéraire de Prima à 15h aujourd'hui, suivi de l'inhumation au cimetière de l'Est. Décès de Monsieur Guerrier Maurice Eugène, retraité du conseil départemental. Monsieur Guerrier Maurice Eugène, décès survenu samedi à l'âge de 88 ans. Le convoi sortira du centre funéraire de Prima à Saint-Denis aujourd'hui et donc après la bénédiction qui aura lieu au centre funéraire de Prima à 14h, suivi de l'inhumation au cimetière de l'Est. Décès de Monsieur Lacouture Lucé, ancien employé de l'usine du Gaulle à Saint-Louis. Monsieur Lacouture Lucé, ancien employé de l'usine du Gaulle à Saint-Louis, décès survenu hier à l'âge de 59 ans. Le convoi sortira de la chapelle ardente de l'étang Salé aujourd'hui à 15h. La bénédiction aura lieu en l'église de l'étang Salé à 15h30, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Louis. Et le décès de Madame Véléchi, Adrien, née Pyria, Démodélie, Thérèse, Stéphanie, dit Madame Permal, Stéphanie, décès survenu le 21 août à la Saline à l'âge de 84 ans. Le convoi sortira au 16 chemin Acadine à la Saline, aujourd'hui à 14h15. La bénédiction aura lieu en l'église Sainte-Thérèse d'Avila à 15h30, suivie de l'inhumation au cimetière de la Saline. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. La 6 Réunion qui informe ses abonnés de la commune de Saint-André que suite aux travaux de réhabilitation de la cuve réservoir Sarah B, la distribution en eau sera perturbée, voire interrompue pour demain mardi de 7h à 18h dans les secteurs suivants. Lotissement Petite Diorée, chemin Diorée, le réduit, chemin Sarah B ainsi que les voies adjacentes. La remise en eau se fera dès achèvement des travaux. Et puis la 6 Réunion qui informe les abonnés de la commune de Salazy que suite aux travaux sur la canalisation principale, la distribution en eau sera interrompue pour demain, mardi 23 août, sur Maragoyave, Maravieille Place, le Radier, Maracitron, Petit Sable, Lotissement Vavang ainsi que les voies adjacentes. Et puis les collectes de sang qui sont prévues pour demain, mardi 23, avec l'EFS, c'est à l'aérogare Roland-Garros. L'EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don. Et puis donc c'est à Sainte-Marie, c'est de 9h30 à 14h. Et puis au Géant de la Châtoire, au Tampon, demain toujours de 12h30 à 17h. Première. Bon appétit avec la première, il est midi. Le journal de Réunion Première, Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Un témoin affirme l'avoir vu pousser la victime, l'individu suspecté d'avoir provoqué la mort d'un homme de 32 ans samedi en le faisant tomber dans le lit de la rivière des Remparts, risque une mise en examen pour meurtre. Le point sur l'enquête dans un instant. Il permet d'augmenter facilement la vitesse maximale d'un scooter très répandu à La Réunion. Le débridage des deux roues est illégal parce que dangereux, rappelle la préfecture. En partenariat avec le comité des assureurs, une campagne de sensibilisation est lancée sur ce thème aujourd'hui. Dans l'actualité de ce lundi également, beaucoup de questions après la mort de deux jeunes bénévoles français à Madagascar. Leurs corps ont été retrouvés hier près de la plage sur l'île de Sainte-Marie. Précision dans ce journal. En sport, le bilan des huitièmes de finale de la Coupe régionale de France de football, dont les dernières rencontres se sont jouées hier. Et puis la déception de Daniel Narcisse et l'équipe de France de handball après leur défaite hier lors de la finale des Jeux Olympiques de Rio. Nous entendrons la déception du Réunionnais. Bienvenue sur Réunion Première. Un témoin affirme l'avoir vu pousser la victime dans le ravin. L'individu suspecté d'avoir provoqué la mort d'un homme de 32 ans samedi en le faisant tomber dans la rivière des Remparts à Saint-Joseph pourrait être mis en examen pour meurtre d'ici ce soir. Cet homme de 43 ans avait bu et même beaucoup bu avant le drame. Il sera présenté cet après-midi au palais de justice de Saint-Pierre. Sophie Persson. Les pompiers n'ont rien pu faire samedi pour sauver le jeune homme qui venait de faire une chute d'une quinzaine de mètres dans la rivière des Remparts. Il est donc décédé sur place avant d'être élitreillé. L'autopsie permettra de savoir s'il était lui aussi alcoolisé. Mais en ce qui concerne celui qui l'a poussé, pas de doute sur son état. À plus de 3 grammes, il était clairement très alcoolisé. Depuis samedi, il se trouve en garde à vue chez les gendarmes. Une garde à vue qui permettra sans doute de, comp-